Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Comme je vous l'avais promis lors de la dernière émission de la première partie du cinéma, nous allons parler aujourd'hui des précurseurs du muet dans le style fantastique, de l'expressionnisme allemand, du fantastique muet dans le reste de l'Europe et du fantastique hollywoodien du muet au parlant, et ceci sera la deuxième partie. Commençons tout de suite par parler des précurseurs du muet dans le style fantastique. Tout d'abord, il faut savoir que le cinéma fantastique tire ses premières inspirations de la littérature fantastique. La naissance du cinéma en 1895 coïncide avec la publication des romans fantastiques de la fin du 19e siècle. En réalité, à part Mary Shelley, autrice de Frankenstein, et Edgar Allan Poe, les principaux auteurs adaptés au début du cinéma sont peu nombreux et tardifs. Parmi lesquels nous pouvons citer Robert Louis Stevenson, Bram Stoker ou encore Herbert George Wells, dont les romans paraissent entre 1886 et 1897. Le premier réalisateur à aborder ce style est un certain Georges Méliès, que vous connaissez déjà. Et comme je vous l'avais dit dans une de mes premières émissions, Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès est le premier essai du film fantastique, du film de science-fiction. Il est également le premier à réaliser un film sur le thème du vampirisme avec Le Manoir du Diable en 1896. Aux USA, le cinéma fantastique fait son apparition en 1908 avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde, première adaptation du roman de Stevenson. Toutes ces nombreuses adaptations, comme Frankenstein ou autres films de monstres et de vampires, ont donné naissance à l'expressionnisme allemand. Après la Première Guerre mondiale, l'expressionnisme allemand fait du fantastique un genre à part entière dans le cinéma. Les cinéastes développent une esthétique particulière, représentée par des climats angoissants, dans un contexte marqué par les traumatismes de la Première Guerre mondiale, les crises et dépressions économiques durant la République de Weimar, et la montée du nazisme. Le film précurseur du mouvement étant celui de Stellan Rai et Paul Wegener, intitulé « L'étudiant de Prague », réalisé en 1913. Le cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene est le premier film marquant qui jette les bases de ce style par son histoire angoissante, les maquillages et gestes excessifs, exagérés de personnages, les décors géométriques aux perspectives déformées et les forts contrastes d'ombre et de lumière. Il donnera le terme de caligarisme pour désigner les films se conformant strictement à cette esthétique. Autre film marquant, Nosferatu le vampire, qui constitue la première adaptation cinématographique du roman de Dracula de Bram Stoker. Cette première adaptation était non autorisée car le réalisateur, Friedrich Wilhelm Murnau, l'a réalisé sans obtenir les droits du roman. Cette version a donc failli être totalement détruite après un procès pour plagiat intenté par la femme de Bram Stoker. Un autre réalisateur incontournable de ce mouvement était Fritz Lang, qui a adapté l'épopée allemande du Moyen-Âge avec son film intitulé Les Nibelungen avec Nibelungen. Avec Metropolis, il a réalisé un des premiers films d'anticipation, considéré comme visionnaire pour ses décors futuristes et pour son androïde créé par le savant fou Rotwang. Après le cabinet du docteur Caligari, Robert Wiene retrouve l'acteur Konrad Veidt, avec qui il tourne Les Mains d'Orlac. Comédien représentatif de l'expressionnisme, Veidt tourne à l'époque plusieurs films fantastiques, dont Le crime du docteur Warren de Murnau, qui était une libre adaptation de L'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Il a également joué dans Le cabinet des figures de cire de Paul Leni et dans L'étudiant de Prague, remake du film de 1913, avant de faire carrière aux États-Unis, notamment avec le film de Paul Leni, adapté du roman du même nom de Victor Hugo, L'homme qui rit. Tout cela se passe en Allemagne, mais qu'en est-il dans le reste de l'Europe? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Voyons donc maintenant le fantastique muet dans le reste de l'Europe. En Scandinavie, trois films représentent la filmographie fantastique. En premier, nous avons La charrette fantôme de Victor Sjöström, sorti en 1920. En deuxième, nous avons au Danemark le documentaire de Benjamin Christensen, intitulé La sorcellerie à travers les âges, sorti en 1922, qui se veut éducatif et qui est marqué par des scènes fantastiques représentant les rituels diaboliques. Enfin, en troisième, nous avons La légende de Gösta Berling de Moritz Stiller, sorti en 1924, qui, comme le film de Sjöström, est surtout basé sur la tradition du romantisme nordique. En France, le fantastique est un genre peu pratiqué dans le cinéma muet, populaire, étant plutôt réservé au cinéma d'avant-garde. L'un des films importants de cette période est celui de Jean Epstein, intitulé La chute de la maison Usher, sorti en 1928, adaptation inspirée d'Edgar Allan Poe. Le cinéaste Louis Buñuel, appartenant au groupe du surréaliste, réalise en 1929, et avec le célèbre peintre Salvador Dali, le film intitulé Un chien andalou, dont l'ouverture est devenue un classique. Un homme fume un cigare, un nuage passe devant la lune, un rasoir fend un œil. Tout cela est bien intéressant, mais qu'en est-il d'Hollywood ? Ne vous en faites pas, nous allons voir ça tout de suite dans cette nouvelle partie que nous allons appeler le fantastique hollywoodien du muet au parlant. Dans le domaine du fantastique, le cinéma muet hollywoodien est principalement marqué par la collaboration entre le réalisateur Todd Browning, né le 12 juillet 1880 à Louisville, dans le Kentucky, et décédé le 6 octobre 1962 à Malibu, en Californie, et son acteur de prédilection, Lon Chaney, surnommé l'homme aux mille visages, né le 1er avril 1883 à Colorado Springs, dans le Colorado, et décédé le 26 août 1930 à Los Angeles. Comme un surnom ne va pas sans sa raison, Lon Chaney était donc surnommé l'homme aux mille visages grâce à sa capacité à se maquiller, on va dire véridiquement. C'est pourquoi cet acteur va se spécialiser dans l'incarnation de personnages monstrueux, comme dans Le Fantôme de l'Opéra de 1925 ou encore dans le rôle de Quasimodo dans Notre-Dame de Paris, sorti en 1923. En 1925 sort dans les salles obscures le premier film de dinosaures adapté d'un roman d'Arthur Conan Doyle intitulé Le Monde Perdu. Ce film marque l'histoire des effets spéciaux par le procédé d'image par image employé par Willis O'Brien pour animer une cinquantaine de figurines en caoutchouc et métal dans un environnement tropical et qui annonce le film suivant dont O'Brien assure les effets spéciaux King Kong, la version sortie en 1933. Avec l'apparition du parlant dans les années 1930, le genre connaît la consécration à Hollywood. Les cinéastes américains sont influencés par l'expressionnisme dont plusieurs de leurs homologues allemands, émigrés aux États-Unis, ont fait connaître les œuvres. Deux firmes, la RKO Pictures de David Sarnoff et Joseph Patrick Kennedy et Universal Pictures de Carl Laemmle, Mark Dintenfass, Charles Bowman, Adam Kessel, Pat Powers, William Swanson, David Horsley et Jules Brulatour vont produire plusieurs classiques du film fantastique et d'horreur. Le succès de Dracula de Todd Browning va amener Universal à lancer toute une production de films d'horreur autour de monstres emblématiques. À part Dracula, le monstre de Frankenstein, la momie et le loup-garou. Bela Lugosi et Boris Karloff deviennent les acteurs représentatifs de l'entre-deux-guerres. Le monstre de Frankenstein pour Boris Karloff et Dracula pour Bela Lugosi. Après le succès de Dracula, Todd Browning va réaliser pour la Metro-Goldwyn-Mayer, qui est encore aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés de production et de distribution pour le cinéma et la télévision, l'un des films d'horreur les plus controversés du cinéma intitulé La Monstrueuse Parade, sorti en 1932, qui mettait en scène de véritables personnes avec de véritables handicaps. Finalement, s'en est suivi un véritable échec commercial retentissant qui a eu des conséquences sur la carrière du réalisateur. RKO, quant à elle, va produire ses deux plus grands succès, Les Chasses du comte Zaroff, sorti en 1932, et la version de King Kong, sorti en 1933. Ces films sont devenus de véritables classiques du genre. C'est ainsi que se termine cette deuxième partie sur le cinéma fantastique. Dans la prochaine émission que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons plus en détail du fantastique onirique de la Seconde Guerre mondiale, de monstres et de mutants de l'ère atomique, du renouveau du fantastique au Royaume-Uni et d'autres thèmes tous plus ou moins intéressants les uns que les autres. Comme d'habitude, je vous invite à nous partager votre avis sur ce nouveau numéro de La Crise du Cinéma sur notre page Facebook Radio Gamozo en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore à venir nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Nous serions ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.